tu veux. Eh ben, on va y aller alors. Bon, de quoi je vais vous parler ce matin, ben un peu de mon parcours de recherche depuis le début de cette thèse. Et puis peut-être en fin de présentation des ouvertures, des interrogations, des doutes ou des questionnements qui émergent actuellement après ces 10-11 années de travail sur l'émigration internationale des Kéralais vers les États du Golfe Persique. Alors, pour faire simple, et qui correspond vraiment à mon parcours de recherche, et qui correspond finalement à la thématique ou au champ migratoire, je ne contrôlerai pas dans toutes les définitions, au champ migratoire spécifique entre le Kerala et le Golfe Persique, et bien j'ai divisé ma présentation en deux parties, c'est-à-dire une partie sur quelles sont les grandes caractéristiques et les évolutions de l'émigration à partir du pays d'origine, ce qui correspondait grosso modo à ma thèse. Enfin, pas grosso modo d'ailleurs, ce qui correspondait uniquement à ma thèse, si je m'étais cantonné au pays d'origine. Et puis une deuxième partie qui correspond à mes recherches post-doctorales, enfin depuis la fin de la thèse, dans le Golfe et plus particulièrement aux Émirats arabes. Voilà, donc tout simplement, présentation en deux temps qui correspondent à mon parcours, aux deux temps de ces 11 ans de parcours de recherche. Alors, quelques caractéristiques de l'émigration internationale kéralaise. Je vous ai mis un premier document qui synthétise, que je réactualise régulièrement. Vous voyez, j'avais commencé en 98 et puis je rajoute les données au fur et à mesure. C'est, à mon avis, il y a certainement des données peut-être encore plus récentes, mais enfin, on n'est pas un ou deux ans près. Grosso modo, si on se positionne au Kerala, en termes d'émigration internationale, on a presque 4 décennies d'intense émigration vers les États du Golfe Persique, avec, vous le voyez ici, 3 vagues migratoires importantes et successives jusqu'à aujourd'hui. Alors, 4 décennies d'intense émigration des Kéralais vers le Golfe, plusieurs éléments dans plusieurs caractéristiques ou sous-caractéristiques. Tout d'abord, quelle que soit la décennie considérée depuis le milieu des années 70, l'émigration des Kéralais, l'émigration internationale des Kéralais est vraiment très polarisée vers les pays du Golfe. Parce que quelles que soient les décennies, on est entre 90 et 95% de l'émigration internationale qui se dirige uniquement dans la région du Golfe Persique. Donc c'est une... si on compare avec les autres États de l'Inde, on a vraiment une unidirection, vous voyez, une émigration unidirectionnelle très marquée. Ce qui est la caractéristique, si je reprends encore la terminologie classique sur l'émigration internationale, la caractéristique d'un couple migratoire et avec 40 ans d'un vieux couple migratoire qui perdure. Autre élément, on est actuellement, les dernières estimations parlent de 1,7 million de Kéralais dans les pays du Golfe. En soi, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est de le comparer, d'établir des valeurs relatives par rapport à la population totale et par rapport au nombre de foyers. Par rapport à la population totale, ça fait 5,6%, donc on est au-dessus de 5%. Et quels que soient les systèmes migratoires ou les gens qui sont spécialistes des migrations internationales, le Kerala apparaît comme un des... Enfin, ce taux de plus de 5% apparaît comme un taux très élevé du même ordre que certains pays comme le Maroc, comme les Philippines. Vous voyez, donc ce sont des taux d'émigration par rapport à la population totale qui sont parmi les plus élevés du monde. Plus intéressant... par rapport au foyer, plus que par rapport à la population totale, 25,8%, on s'en fout des 0,8, mais un quart des foyers kéralais est directement concerné par une expatriation dans le Golfe. Un de leurs membres, soit en famille nucléaire, soit famille élargie, mais ça fait en gros un quart des foyers. Pour conclure sur ces trois ou quatre informations chiffrées, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le Golfe, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, est immédiatement ressenti en temps réel, hein, est immédiatement ressenti au Kerala, et toute vicissitude de quelque nature que ce soit dans un état du Golfe et donne lieu à une production d'échanges, d'articles, etc. Bref, le Kerala est véritablement greffé, hein, sur le Golfe, et pas simplement pour des histoires de transferts financiers, etc. Donc, toute tension géopolitique, et Dieu sait si cette partie du Moyen-Orient est sujette à ces tensions récurrentes, hein, le Kerala est directement sensibilisé à ça. Je m'aventure un peu, mais je me pose même la question de savoir si finalement les changements politiques ou les tensions politiques ou économiques du Golfe sont pour le Kerala largement plus importantes et déstabilisent ou interrogent beaucoup plus la société que tout changement à New Delhi. Je suis pas loin, j'exagère un peu, mais peut-être pas tant que ça. Voilà. Bon, j'ai abordé maintenant quelques questions sur ces caractéristiques de l'émigration des Kéralais. Première chose, pourquoi trois vagues migratoires? Autre question qui interroge, hein, quand on regarde une carte de l'émigration vers le Golfe, une carte de l'émigration indienne vers le Golfe, on voit cette densité d'émigration au Kerala. Pourquoi plus le Kerala que les autres États de l'Inde? Donc une série de facteurs que j'évoquerai, désolé, un peu rapidement. Voilà, et puis toujours dans cette première partie, qu'est-ce qu'à l'issue de ce travail de thèse à partir du pays d'origine, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire pour aller de l'autre côté de la mer d'Oman? Alors, pourquoi trois vagues migratoires? Il faut ici faire intervenir des facteurs qui sont propres à la région d'accueil. C'est-à-dire que ce que je vous disais juste précédemment, hein, ce sont les changements, les mutations des pays d'accueil qui expliquent ces trois vagues migratoires. Je vais les passer en revue assez rapidement en m'appuyant sur ce document que vous avez là. 74, le boom pétrolier. Voilà un peu la date qui marque le début d'une émigration massive, j'entends. Boom pétrolier, une rente pétrolière fantastique, donc une richesse soudaine, hein, ou nouvelle. Il faut rajouter à ça, dans ces régions du Golfe, des jeunes États. Les indépendances, fin des années 60, je ne connais pas les indépendances de tous les États du Golfe, mais c'est 70, 71, etc. Donc de jeunes États. De jeunes États, donc, ou d'anciennes colonies, au moment où l'argent arrive, hein, les pétrodollars arrivent, ces États sont très nouvellement indépendants. Donc ces deux éléments-là poussent les États à développer les infrastructures. C'était des petites villes dans le désert, sur la côte. Donc développement des infrastructures, une urbanisation importante, hein. Un affichage et de l'indépendance, un affichage de l'indépendance par l'urbanisation, l'entrée dans la modernité, hein, visible en termes de paysage urbain. Et puis une volonté, pas pour tous les dirigeants des pays du Golfe, une volonté de développer les secteurs secondaires et tertiaires, c'est-à-dire de ne pas s'asseoir sur la rente pétrolière et vivre comme des nababs, mais penser déjà la période post-pétrolière. Sans être un spécialiste véritablement de la géopolitique du Golfe, c'est Bahreïn qui a commencé là-dessus. Qatar a embrayé, puis après il y a eu du gaz qui a été découvert, donc, mais le processus était lancé. Koweït et les Émirats Arabes Unis ont embrayé. L'Arabie Saoudite et Oman, c'est un petit peu différent. Mais bon, en termes de migration, c'est un peu différent. Voilà. Bon, donc ce sont des pays qui sont très faiblement peuplés, ces États du Golfe, hein, les densités de population sont très faibles, le nombre d'habitants est très faible, donc un besoin automatique, un besoin massif de main-d'œuvre. Dans les années 70, donc à l'issue du boom pétrolier, cette main-d'œuvre est en majorité, pour faire global là encore, hein, sur les 6 pays du Golfe, en majorité d'origine arabe, irakien, enfin les pays arabes, au nom de ce panarabisme, on est dans cette époque-là, hein, d'une revendication du panarabisme et de la solidarité arabo-musulmane. Et donc les pays fortement peuplés, ayant de la main-d'œuvre et pas de pétrole, vont fournir la main-d'œuvre aux pays arabo-musulmans riches en pétrole et peu dotés en main-d'œuvre. On a également des Indiens, hein, qui arrivent, et en particulier des Kiralais, et la niche professionnelle que les Sud-Asiatiques vont occuper va être celle des travailleurs non qualifiés, très clairement. Les Arabes, Irakiens, Égyptiens, Jordaniens, Palestiniens, délaissant ou tendant à délaisser les emplois non qualifiés, et donc les pétromonarchies vont faire appel à de la main-d'œuvre non qualifiée d'Asie du Sud. À noter, mais j'y reviendrai, les Kéralais vont réagir très rapidement à cette ouverture migratoire parce que déjà la présence des Kéralais était relativement importante dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, dans ces États-là, hein, sous la couronne britannique. Cette présence était déjà comment dire, diversifiée en termes d'emploi. On avait globalement les cols blancs kéralais recrutés par les Anglais, et ce sont essentiellement des chrétiens de rite syriaque ou les chrétiens dits syriens, j'y reviendrai. On avait des employés dans le pétrole, donc il y avait déjà des ouvriers qualifiés, avec semi-skilled workers, et puis des manutentionnaires. Donc les réseaux, les filières, même si elles s'étaient taries dans des années 40, enfin, la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 60-70, ces filières ont été réactivées. Voilà. Mais je reviendrai, hein, sur ce volet historique. Les années 80, on le voit ici, c'est la période du contre-choc pétrolier, hein. 79, de nouveaux chocs pétroliers, puis à partir des années 80, avec une diminution du prix du pétrole. Les flux migratoires se ralentissent. Et puis arrive 91, la deuxième guerre du Golfe, l'Irak qui envahit le Koweït. Et puis un positionnement, hein, sur ces deux pays arabes, là, un positionnement des États arabes par rapport à cette guerre, cette invasion de l'Irak. Et un clivage très net dans le monde arabo-musulman, à savoir des Jordaniens, des Palestiniens, des Yéménites qui se positionnent clairement. Leur État, en tout cas, se positionne clairement du côté de l'Irak, qui justifie cette invasion, hein, ou cette occupation. Vous savez, c'était deux petites îles, là, Boubiyane, et puis je sais pas quoi, à l'embouchure de quoi? De l'Euphrate. Hein, et les États du Golfe qui se rangent clairement aux côtés du Koweït. D'accord? Tous les États font corps avec le Koweït. Donc un clivage très marqué, des tensions très importantes, et ça permet aux États du Golfe de renvoyer chez eux nombre de Palestiniens, Jordaniens, Irakiens bien évidemment, Yéménites, pas tous, pour les Yéménites c'est un peu spécial. C'est l'occasion pour eux aussi de diminuer la pression faite par ces populations arabes qui, au nom du panarabisme ou de la solidarité arabo-musulmane, revendiquaient de plus en plus de droits, hein, ou l'égalité des droits. Et vous comprenez bien que dans des États où la population nationale est largement minoritaire en poids démographique, il y avait un danger, hein, pour ces nouveaux États qui seraient devenus peu à peu, enfin, avec une majorité d'Irakiens, de Jordaniens, etc., qui auraient été démographiquement plus importants. Donc en termes de droits, ça aurait pu. Voilà. Et réorientation donc des flux, puisque cette main-d'œuvre, hein, ou ces personnes relativement qualifiées d'ailleurs, sont expulsées, réorientation des flux en faveur de l'Asie du Sud, très nettement, et c'est cette deuxième vague migratoire, hein, qu'on voit apparaître aussi bien pour l'Inde que pour le Kerala. Vous voyez, j'ai donné de 93 et 96, où on a une croissance des flux relativement importante. Bien évidemment, les Kéralais s'engouffrent dans cette brèche, hein, Et ça correspond à un premier changement aussi des profils professionnels. C'est-à-dire que cette deuxième vague migratoire qui se met en place dans les années 90 modifie les profils professionnels. Il y a des opportunités d'emploi de col blanc, d'emploi de qualifiés plus importants, laissés par les Palestiniens, etc. Voilà, bon, mais il y a des raisons internes au Kerala. Bon, les Sri Lankais, Pakistanais, Philippins, etc. Bref, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, c'est une ouverture énorme. Troisième vague migratoire, 2001-2003, je n'ai pas mis une période précise, bon, avec les attentats du World Trade Center, 2003, l'invasion de l'Irak. C'est un accroissement des tensions, il y a un accroissement des tensions énormes dans la région. Et les pétromonarchies, de par leurs alliances avec le Royaume-Uni et les États-Unis surtout, apparaissent comme un pôle de stabilité. Un pôle de stabilité politique, mais également un pôle de stabilité économique, dans une mondialisation qui se met en place. D'où une forte croissance économique et, dans ce processus de mondialisation, une affirmation des cités-États comme des métropoles mondialisées. Avec corollaire, besoin énorme de nouveau de main-d'œuvre, surtout cette fois-ci dans le secteur tertiaire, mais aussi dans l'industrie de transformation avec des emplois plutôt qualifiés. Voilà en gros, donc vous voyez, ces trois vagues migratoires répondent véritablement à des logiques dans les pays d'accueil, et le Kerala va bien évidemment réagir immédiatement et massivement. Au Kerala maintenant, si on regarde une distribution des zones d'émigration au Kerala, il n'y a pas une émigration répartie uniformément sur le territoire, et quelques régions sont plus touchées que d'autres par l'émigration internationale vers le golfe Persique. Ce sont ce qu'on appelle classiquement les golf pockets, c'est-à-dire quatre partie du territoire kéralais où il y a une intense émigration, et ce au moins depuis les années 80. Alors, cartographiquement, c'est pas évident d'avoir des données à l'échelle. Là, ici, ce sont les taloucs. À l'échelle des districts, ça ne ressort pas. Donc vous voyez, en 80, ces quatre régions, une région au sud ici sur le littoral, au nord de Trivandrum. Une région plus à l'intérieur des terres, sur les zones de collines, une région littorale dans les espaces de collines plutôt au centre du Kerala, au sud de la province du Malabar, et puis quelque chose d'un peu plus diffus, mais très littoral également, dans la partie nord du Kerala, la partie nord du Malabar. Sur le document, on voit l'expression de la deuxième vague migratoire, et donc cette diffusion à partir de ces noyaux primordiaux d'émigration. Je reviendrai sur les raisons. Moi, j'en parle maintenant. Voilà ce que ça donne en carte plutôt dynamique, hein, qualitative. Cette expression de golf pocket, c'est la tienne ? Non, les golf pockets, c'est quand on va dans ces régions-là, ou quand on va pas dans ces régions-là, quand on dit, voilà, je travaille sur la question des migrations dans le golf, faut aller enquêter dans les golf pockets. En fait, ils disent pas les golf pockets, ils disent les noms de cantons. Ils disent, faut aller à Tiangano, faut aller à tel endroit, et Chavacad, voilà. Et alors, je dis, ah bon, c'est quoi? It's a golf pocket. Voilà, donc... Ça correspond véritablement à quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, les golf pockets, ça se voit encore. Hein. J'y étais en juin 2008. Dans le paysage, on voit encore les golf pockets, mais c'est plus subtil. C'est-à-dire en termes de devanture de magasins, en termes de qualité des maisons, en termes de densité des voitures ou des taxis, en termes, vous voyez, les produits sur les marchés ne sont pas les mêmes. Il y a une dizaine d'années... Un des éléments intéressants sur le repérage des golf pockets, c'était le marché de poissons. Les Kéralais mangent du poisson très souvent, mais bon, ça vaut cher, etc. Enfin bon, bref. Et donc, hors des golf pockets, les gros poissons sont prédécoupés en tranches, et on achète une tranche, deux tranches. Et quand on était vraiment au cœur des Gulf Pockets, certaines poissonnières, les femmes de pêcheurs qui vendaient, ne prédécoupaient pas les poissons, les gros poissons, et puis pas question d'acheter une tranche, quoi. Il fallait se rabattre sur les petits poissons, quoi. Voilà, et puis bon, c'est l'identification toute bête que j'ai en tête, mais il y a plein d'autres en termes de paysage et de comportement et de relations qui caractérisent ces Gulf Pockets. En termes de communautés qui sont concernées, je ne vais pas refaire toute l'histoire du Kerala, mais pour faire simple, sur une population sur 100%, on a en gros 60% d'hindous. Maintenant, c'est plus près de 18 ou 19% de chrétiens et 22-23% de musulmans. Voilà une carte de la répartition. En rouge, plutôt les lieux de concentration des chrétiens et en vert, les lieux de concentration de l'islam. J'y reviendrai avec les Gulf Pockets. On peut faire une carte synthétique. Dans la représentation communautaire de l'émigration vers le golfe Persique, pour faire simple, sur 100 migrants, on a en gros une moitié de migrants qui sont de confession musulmane, hein. On a en gros 20% qui sont de confession chrétienne, et puis le reste étant de confession hindoue. Donc on a quand même une grande une surreprésentation des Kéralais musulmans dans l'émigration vers le golfe Persique. Si on associe ça au golfe Pocket, en partant du sud vers le nord, voilà ce que ça donne. Désolé, j'ai la carte à l'échelle des districts, mais enfin on voit quand même apparaître certaines choses. Dans la première golfe Pocket, qui est quelque part ici, hein, avec les cartes précédentes, on a vous voyez, une représentativité dans l'émigration qui est à l'image de la population du Kerala. En revanche, la deuxième Gulf Pockets, qui est sur les zones de collines un peu en retrait du littoral, on a ici une Gulf Pockets chrétienne, essentiellement, à majorité largement chrétienne. Et puis les deux autres Gulf Pockets sont avec une majorité largement musulmane. Voilà. En termes d'évolution sur, voyez, 35 ans de en termes d'évolution sur 35 ans d'émigration, qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots? Bon, il y a en valeur absolue, il y a un accroissement phénoménal du nombre de migrants, ça c'est sûr. Mais en valeur relative, il y a une diminution du poids des musulmans dans l'émigration lors de la deuxième vague et surtout la troisième vague migratoire, c'est-à-dire depuis les années 2000. C'est-à-dire que, vous voyez, deuxième vague migratoire, on était un peu plus de 50% des migrants kéralais d'origine, enfin de confession musulmane, et là, on doit être à quelque chose comme 37-40%. Mais c'est une valeur relative, vous voyez. Pour les chrétiens, la première vague migratoire, un peu moins la deuxième et encore un peu moins la troisième, était essentiellement représentée par des chrétiens syriens, de rite syriaque, c'est-à-dire qui sont plutôt le haut du panier, vous voyez, là, si j'ose, la caste supérieure parmi les chrétiens. Et la tendance aujourd'hui est à un maintien du poids relatif des chrétiens, mais avec une mise en migration plus importante des chrétiens latins, c'est-à-dire des basses castes converties au christianisme depuis quoi ? Depuis le portugais à peu près. Portugais et anglais ensuite. D'accord ? Donc les castes inférieures de la chrétienté au Kerala. La caste, voilà, ça se divise comme ça en réalité c'est largement plus complexe, je rentrerai pas là-dedans. Et troisième vague migratoire, c'est l'affirmation plus importante des hindous, avec là aussi un changement. Les Kéralais de confession hindoue dès la première vague migratoire étaient essentiellement en majorité composés de Edava, c'est-à-dire les Obisi. Je vais y revenir sur les pourquoi plus le Kerala. C'est la caste la plus importante numériquement au Kerala, et c'est celle qui, dans les enjeux politiques ou dans l'évolution, le développement du Kerala, a été le fer de lance de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Les Nahirs, la caste supérieure, il y a peu de brahmanes au Kerala. Les Nahirs avaient plutôt tendance, jusqu'aux années 90, à privilégier une émigration soit hors du Golfe, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Angleterre, mais surtout une immigration interne, hein, dans les grandes villes du nord de l'Europe. Donc on a une mise en migration un peu plus importante de la caste supérieure Nahir, et puis des autres castes inférieures, en particulier des SI, ST, c'est encore balbutiant. Voilà. Mais tout ça s'explique aussi dans les logiques de transformation de du positionnement des Kéralais dans le Golfe. J'en reparlerai. Il y a un appel de main-d'œuvre non qualifiée à l'encontre, vis-à-vis des basses castes. Il y a un besoin. Voilà. Deuxième question, pourquoi plus le Kerala que les autres États de l'Inde ? Je vais évoquer ici des facteurs historiques. Le Kerala, c'est la côte aux épices. Si je le dis d'un point de vue géographique, c'est le point de rupture de charge entre le commerce du monde méditerranéen, hein, ou l'ère culturelle et commerciale et économique du monde méditerranéen depuis l'Antiquité, et le monde chinois. Les sud-est asiatiques et Asie de l'Est, les échanges et les productions, quelles qu'elles soient, idéales, physiques, hein, biens matériels, etc., qui s'échangeaient avec l'Occident, le Moyen-Orient, puis la Méditerranée plus loin. Point de rupture de charge, c'était Sri Lanka, enfin c'était la pointe sud de l'Inde. Voilà. Donc les marchandises étaient déposées et repartaient vers soit l'Asie, l'Extrême-Orient, soit vers le monde méditerranéen. Mais c'était également le lieu où on chargeait des stocks d'épices, d'accord, ou de pierres précieuses pour le Sri Lanka. Enfin, vous voyez, bon, donc on est dans un point de rupture de charge. Donc, ce qui fait que traditionnellement, enfin, depuis des millénaires, les liens entre le Kerala et le Moyen-Orient sont maintenus, les liens commerciaux, les liens culturels, et puis les liens cultuels. Les premiers chrétiens, c'est au premier siècle après Jésus-Christ. Hein, il y a une branche des proto-chrétiens qui filent vers l'Inde sur les routes commerciales que les juifs utilisaient déjà, que les romains, que les phéniciens utilisaient, les grecs, les phéniciens, ça, utilisaient précédemment. L'islam prendra le même chemin, d'accord, le chemin, les routes marchandes. Pour le dire simplement, l'islam, enfin pour le dire simplement, l'évoquer rapidement, l'islam du Kerala et du Tamil Nadu, dans une moindre mesure, est un islam marchand. Contrairement à un islam militaire et conquérant territorialement de l'Inde du Nord. Donc c'est déjà une raison intéressante qui explique ce pôle d'émigration important vers le Golfe. Deuxième élément historique, c'est aussi le lieu où arrivent les premiers Européens conquérants, les Portugais, Vasco de Gama, 1498. Qui vient chercher des chrétiens et des épices. Hein. Puis, alors, portugais, un siècle, hollandais, un siècle, pour faire simple, et anglais par la suite. Cette présence européenne va avoir tendance à marginaliser les musulmans du Kerala, qu'on appelle les Mapila. Les musulmans du Kerala n'étaient pas engagés dans la terre, enfin, n'étaient pas propriétaires terriens, ou, vous voyez, n'étaient plutôt des marchands. Et faisait jouer le rôle d'interface entre les producteurs d'épices, hein, les propriétaires terriens, hindous ou chrétiens, et les marchands. Portugais, hollandais et anglais vont chercher à avoir le monopole des épices et donc vont court-circuiter les musulmans, les marchands musulmans kéralais, hein, et vont les marginaliser économiquement et socialement. D'accord. C'est valable essentiellement au Malabar, cette moitié nord du Kerala, cette province du Malabar, qui était sous administration directe, hein, sous direct rule des Anglais, contrairement aux deux principautés, aux deux royaumes du sud du Kerala, qui étaient indirect rule, administration indirecte de l'Empire. Voilà. Cette marginalisation des musulmans jusqu'au XXe siècle, hein. La dernière révolte des musulmans, c'est la Mapila Rebellion de 1921, qui a été un tremblement de terre et à la fois une espèce de dernier spasme des musulmans kéralais vis-à-vis de l'occupant britannique. Ça va générer tout un tas de smuggling, de contrebande, d'échanges entre le golfe et les côtes du Malabar, en particulier avec ces boutres qu'on voit toujours d'ailleurs dans les ports de Dubaï ou de Doha, etc. Hein, ces échanges qui sont toujours en bateau en bois, à l'ère de la mondialisation et des gros tankers ou des gros porte-containers, on a toujours ces bateaux en bois qui sont d'ailleurs fabriqués au Kerala et qui sont fortement appréciés et avec des grosses commandes hein, de riches émiratis ou qataris. Voilà. Donc on a énormément de contrebande hein, et donc les liens commerciaux, puis culturels hein, également, religieux, hein, sont constamment conservés, même pendant l'occupation dure hein, des Britanniques. Pourquoi le Kerala pourquoi le Kerala plus qu'ailleurs en Inde? Eh bien, avec cette occupation anglaise, les Anglais, pour leur empire, l'Empire des Indes, c'était l'Empire des Indes qui gérait. Je le dis très mal, hein, s'il y a des historiens dans la salle sur l'histoire coloniale de l'Inde, vous pardonnerez. C'était l'Inde de l'Inde qui était gérée le Moyen-Orient. Vous voyez, le représentant de l'Angleterre dans les provinces du Moyen-Orient dépendait du gouverneur indien. Vous voyez. Et donc, il va y avoir besoin, dans le Raj, il va y avoir British Raj, il va y avoir besoin de col blanc, d'administrateurs, et on va aller chercher les chrétiens syriens du Kerala, qui étaient éduqués, qui étaient instruits, hein, et qui étaient beaucoup plus en nombre scolarisés que les autres, et puis, voilà, étaient chrétiens. Quoi. Donc les chrétiens syriens du Kerala vont devenir les cols blancs du Moyen-Orient et les cols blancs de toute l'Afrique de l'Est et jusqu'à l'Afrique du Sud, bien évidemment. Donc ça explique aussi la présence des chrétiens, c'est-à-dire que les premiers réseaux, les premières filières migratoires et puis cette première culture de l'émigration hein, est cultivée et existe chez ces chrétiens syriens. Dernier élément historique, comment expliquer cette forte présence également, cette présence importante dans les castes hindoues, dans la confession hindoue des Edava, cette OBC, hein, c'est OBC. Eh bien, tout au long du XXe siècle et plus encore après l'indépendance de l'Inde, on va avoir au Kerala des forts mouvements politiques communistes, hein, on va avoir même un État communiste dès 1957. La caste qui soutient ces mouvements de réforme communiste, alors avec toutes les réformes que ça implique, et en particulier la réforme agraire hein, qui a été importante, ces Edava vont soutenir tous ces mouvements de réforme sociale qui ne datent pas que des communistes des années 50. Hein, déjà dès les années 20 et dès la fin du 19e, on avait des mouvements de revendication d'accès à l'éducation, hein, et ce n'est pas propre au Kerala. Et donc ces Edava vont avoir, comment dire, quand les opportunités migratoires vont émerger dans les années 70, ça va correspondre ils vont être suffisamment ouverts, enfin comment dire, voyez, instruits, educated, pour prendre ça comme une opportunité. Et ce d'autant plus que l'accès au marché de l'emploi hors Kerala en Inde du Nord, les migrations internes leur étaient peu, les concernaient peu. D'accord, c'était les castes supérieures. Voilà, donc bon, les premières golf pockets. Voilà pour l'histoire rapidement évoquée. Enfin, rapidement évoquée. Oui, et si on regarde par rapport aux golf pockets, finalement, les points de départ hein, des golf pockets, les noyaux vraiment à l'intérieur même des golf pockets, je ne vous ai pas montré les cartes où je segmente à l'échelle communale même. Hein, à l'intérieur d'une golf pocket, c'est même pas uniformément réparti. Il y a encore des points, des villages où il y a carrément quasiment tout le monde qui est parti à un moment ou à un autre depuis les années 60. Si vous regardez toute la côte du Malabar, les golf pockets de la moitié nord du Kerala, ça correspond au lieu de clandestinité de départ ou d'accostage ou de départ pour le golf, d'accord. La golf pocket, c'est à l'intérieur des terres chrétiennes. Ce sont les chrétiens syriens qui sont en majorité là, d'accord. En ce qui concerne le sud, ici, c'est un peu particulier. La golf pocket du sud, où vous voyez les trois communautés c'est juste là au nord du district de Trivandrum et puis au sud du district de Kola. Les trois communautés sont représentées à peu près identiquement. C'est une autre logique qui explique cette Gulf Pocket. Ici, c'était une Singapour Pocket. Non, même pas Singapour, c'était une Birmanie-Malaisie-Singapour Pocket dans l'entre-deux-guerres. Et même, ça avait commencé à la fin du 19e. D'accord ? Donc il y avait une tradition migratoire. Déjà dans le sud, dans ce sud du Kerala, à destination du sud-est asiatique. Et donc, lorsque le golfe s'ouvre, il y a un changement. Et il y a d'ailleurs, ça crée des tensions. On ne les voit plus aujourd'hui, parce que les derniers de ces migrations dans l'entre-deux-guerres sont en train de mourir. Mais il y avait un côté dédaigneux des migrants du sud-est asiatique qui s'étaient battus pour avoir une situation au retour après 10 ans, 15 ans, 20 ans de. Puis avec les moyens de transport qui étaient beaucoup moins faciles qu'aujourd'hui, les salaires, etc., vis-à-vis de ces nouveaux migrants vers le Golfe, dès les années 70, hein, où tout est beaucoup plus facile, vous voyez. Même si vous êtes semi-esclave dans le Golfe, c'est largement plus facile que... voilà. Bref, donc ce côté historique est important, et c'est c'est un élément important qui explique cette prépondérance du Kerala dans les migrations indiennes vers le Golfe. D'autres facteurs expliquent aussi le facteur démographique est loin d'être négligeable. Au moment où le Golfe fait un appel de main-d'œuvre important à partir des années 70, le Kerala est en pleine transition démographique. Les démographes spécialistes de l'Inde, du Moto et autres, qui étudient la transition démographique ou l'évolution de la population en Inde, savent que voilà, le Kerala est un des rares États à avoir accompli sa transition démographique en l'espace d'une vingtaine d'années, et à l'échelle mondiale est aussi parmi ceux qui ont accompli leur transition démographique en un laps de temps aussi court. Qui dit transition démographique, que ce soit fin de phase 1 ou début de phase 2, dit automatiquement une population, une main-d'œuvre énorme qui arrive sur le marché de l'emploi. Et donc une nécessité d'employer ces populations. Or, l'État du Kerala n'était pas à même, malgré tous les processus de développement spécifiques du Kerala, n'était pas à même d'absorber toute cette main-d'œuvre. Donc le Golfe apparaît véritablement, l'ouverture, l'appel du Golfe apparaît pile poil dans cette transition démographique. Ça a été un facteur important. Et c'est d'ailleurs un des enjeux à venir maintenant. Les questions de population vieillissante. Les recherches sur les populations vieillissantes, enfin les démographes qui travaillent sur la population au Kerala, se posent la question de la population vieillissante et de toute une catégorie de population qui s'est expatriée, et ces enjeux-là d'une population vieillissante. Ces facteurs démographiques et cette transition démographique, ça s'est couplé avec le développement spécifique du Kerala. Pour ceux qui bossent sur l'Inde, ils en ont entendu parler, ou ils en savent des choses. C'est le fameux Kerala modèle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les débats là-dessus. Pour faire simple, le Kerala, au Kerala, il y a une forte politisation de la population. On a un clivage politique très net, droite-gauche, sachant qu'au Kerala, la droite c'est le Congrès et la gauche c'est le CPI et CPIM. Et ce qui fait toujours rigolo d'entendre un Kéralais parler politique avec les gens du nord de l'Inde, parce que pour eux, la droite et la gauche, c'est pas les mêmes. Les curseurs sont pas au même endroit. Quoique ça a changé depuis qu'il y a eu le BJP au pouvoir. Mais, puis bah, je ne sais pas y est passé. Mais, voilà, donc une très forte politisation de la population. Des programmes d'éducation 100% d'alphabétisation. La réforme agraire, malgré ses limites, ça a joué. Et ce que j'en retiens de la réforme agraire, qui est souvent montrée en exemple par les communistes ou par les Kéralais fiers de leur réforme agraire, le plus important, ça n'a pas été la redistribution des terres. Le plus important, c'est que ça a fait passer la société du Kerala d'une société agraire à une société post-agraire. Et c'est pour ça que ça a, entre guillemets, foiré, parce que la réforme agraire arrive au moment où les ressorts de l'économie et les ressorts sociaux sont déjà dans une mentalité post-agraire. Donc, voilà. Bref. Ce qu'il faut retenir de ces facteurs démographiques, transition démographique et développement spécifique du Kerala, c'est que au début des années 60, enfin dans les années 70, le Kerala apparaît comme un pays avec beaucoup de jeunes, un État, pardon, avec beaucoup une population jeune importante, un développement économique limité, un trop plein de main-d'œuvre, une faible industrialisation, et puis une agriculture qui est de plus en plus commerciale. Et le problème de l'agriculture commerciale au Kerala, vu le climat, c'est que c'est une agriculture commerciale qui nécessite peu de main-d'œuvre. Vous voyez, le passage d'une agriculture vivrière ou à dominante vivrière à une agriculture commerciale n'implique pas toujours une forte diminution de la main-d'œuvre nécessaire. On a des cultures commerciales qui sont en forte composante de main-d'œuvre. Coton, maraîchage, enfin, vous voyez, des produits comme ça. Mais là, ce sont des épices, c'est de la noix de coco, c'est, vous voyez, et donc cette agriculture commerciale ne va pas pouvoir absorber toute cette main-d'œuvre. D'accord ? Bref, on a économiquement et en termes de marché d'emploi, c'est limité. Malgré toute l'avancée politique, le Kerala, et c'est bien connu, reste une société aussi assez coincée, assez traditionnelle. D'accord ? Alors vous mettez ces trois éléments-là. Une population jeune importante, qui ne trouve pas des emplois, mais qui sait lire et écrire. Il y a une espèce d'ouverture par l'alphabétisation et l'instruction, et dans une société coincée. Qu'est-ce que vous faites ? On se barre. Il n'y a pas le choix. Je suis dans le Kerala, c'est un village de 550 km de long. D'accord ? Tout se sait, tout. Voilà, on est dans un. Je ne vais pas rentrer dans la géographie, mais on est dans un habitat dispersé. Trouver les villes au Kerala, distinguer le rural de l'urbain, c'est pas si évident que ça. Enfin bref. Donc on est dans une société traditionnelle, rurale dans ses mentalités, coincée. Mais on va à l'école, on obtient son certificat d'études dans les années 70. La norme dans les fin des années 80, début des années 90, ça va être le BEPC. Aujourd'hui, la norme, c'est le bac. Il n'y a pas de boulot avec nos qualifications, notre niveau d'études. On se barre. D'accord ? Voilà. 70, 90, on se barre à l'étranger. D'accord ? Et pour d'autres, on se barre au nord de l'Inde. Tous les grands recrutements bancaires, postes, l'équivalent SNCF indienne, etc. Voilà, les Kéralais vont occuper tous ces postes parce qu'ils ont plus de diplômes. Et ils sont, voilà. Sauf que pour la troisième vague migratoire, ça ne marche pas, parce que depuis la fin des années 90, on a, c'est pas dit, mais des espèces de quotas qui sont plus ou moins instaurés par les différents États de l'Inde, pour pas que les Kéralais envahissent tout, et puis pour donner aussi des opportunités d'emploi à leurs propres Tamouls, Telugous et autres qualifiés. Donc on a des flux migratoires internes qui se tarissent. Voyez. Et donc là encore, cet appel de main-d'œuvre, cette nécessité de main-d'œuvre dans les pays du Golfe dans les années 2000, répond à une fermeture des flux migratoires internes. Voilà. Voilà, très rapidement, les principaux ressorts de la migration internationale des Kéralais. Alors, pour finir sur cette première partie, une bonne partie de ma thèse évoquait ça, mais j'ai travaillé également sur, et toujours sur le pays d'origine, profil des migrants, les projets migratoires, filières, coûts de la migration, bref, toute cette dynamique vraiment liée à la migration, les transferts financiers, bien évidemment, et leurs conséquences ou leur utilisation, et les conséquences socio-économiques. Et je me suis concentré au Gulf Pockets uniquement, voir les changements à l'intérieur des Gulf Pockets. Et puis, avec tout un jeu de corrélations spatiales entre les Gulf Pockets et les changements socio-économiques, pour voir si, avec certains indicateurs, lorsque j'avais une échelle assez fine, si les Gulf Pockets émergeaient par la densité du système bancaire, la densité des institutions hospitalières, la densité des institutions éducatives. Sachant qu'au préalable, ça ne pouvait marcher que parce que le migrant, même quand il revient après son émigration dans le Golfe, ne va pas à la ville. Ça scotchait beaucoup de gens spécialistes des migrations, parce que classiquement, on quitte sa campagne ou sa petite ville, on émigre dans un pays du Nord, et le retour, on devient urbain. Voyez, et là, ce n'est pas le cas au Kerala. D'abord parce qu'on a une densité de population importante, les services sont suffisamment disponibles, les transports sont suffisamment disponibles, donc on revient dans, si ce n'est pas dans son village, mais pas loin. Mais on ne revient pas, il n'y a pas eu gonflement de la population, accroissement de la population urbaine par les premiers retours dans la fin des années 80, début des années 90, et aujourd'hui encore, non. Donc ça pouvait marcher, cette corrélation spatiale, sur certains indicateurs, pas sur tout. Voilà, en gros, ce que j'ai fait sur la thèse. Alors, thèse finie, bah, l'envie, quelque part, et les opportunités en termes de recherche, hein, de programme de recherche, l'envie d'aller voir bah, de l'autre côté, hein, sur l'autre pôle du champ migratoire. Alors pourquoi j'ai eu envie d'aller voir de l'autre côté ? En fait, c'est pas parce que j'avais envie d'étudier ce champ migratoire plus avant. Je me posais beaucoup de questions sur l'après-thèse. C'était simplement parce que déjà sur mon terrain et à la fin de la thèse, j'avais le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer. Vous voyez, c'était en 2000, c'était avant 2001. Il y avait déjà des logiques dans les projets migratoires, des parcours, des stratégies d'investissement. Enfin, il y avait déjà des choses qui changeaient. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où toutes les vagues migratoires sont conditionnées à ce qui se passe dans les pays d'accueil, c'est ça qui m'a donné envie. Vous voyez, j'avais vraiment une posture à partir du pays d'origine. Et l'objet, je n'avais pas une curiosité particulière d'aller bosser dans le Golfe. Vous voyez, je vous disais, voilà, je n'ai pas particulièrement ça. Mais c'était pour comprendre les changements sur les dynamiques migratoires à partir du pays d'origine, il fallait, vous voyez, voilà, c'était plutôt ça qui m'incitait à aller là-bas. Alors j'ai noté quelques éléments. Pour les jeunes que j'interrogeais, on était déjà dans des deuxièmes générations, ou alors des jeunes qui leur père était parti depuis 20 ou 30 ans. Il y avait une idée de leur rapport à Dubaï en particulier. C'est sur Dubaï que je me suis fixé, mais le Koweït pareil, parce qu'il y a toute une hiérarchie de valeurs, hein, sur les pays du Golfe. Il y avait des idées des notions de rite de passage. Hein. J'ai mon équivalent BEP mécanique. Je vais dans le Golfe quelques années parce que mon oncle, deux de mes oncles, parce que le voisin, parce que mon père, parce que etc. Et je ne vais pas m'embêter à aller chercher un boulot à Trivandrum qui est à 40 ou 50 km. Vous voyez, toujours dans les échanges, Trivandrum, ça paraissait vraiment loin et vraiment une ville étrangère, entre guillemets. Et Dubaï paraissait beaucoup plus accessible. Vous voyez, pas simplement en termes de boulot, en termes social. Bref, il y avait des logiques comme ça qui commençaient à s'installer, où le rapport au golf n'était pas qu'une histoire d'argent. C'était pas, vous voyez, il y avait des liens qui se tissaient. Et il y avait, sur les jeunes qualifiés, cette fois-ci, là, dans la Golf Pockets chrétienne, donc ils avaient fait leurs études, ingénieur ceci, ingénieur cela, mais comme ils me disaient, je dois tout à mon père. J'ai rien réalisé moi-même, c'est l'argent du golf. Voilà, et j'ai maintenant une entreprise clé en main ou une position clé en main, et ça me convient pas. J'ai envie de tuer le père et de me réaliser moi-même. Et Dubaï paraissait, Dubaï, il y avait Bangalore, Dubaï, il y avait des pôles comme ça, mais le golf apparaissait comme un endroit où on pouvait se réaliser. Bref, tout ça, j'ai mis rite de passage, mais voilà, un espace de réalisation de tout est possible. Donc ça, c'était des premières choses. L'accroissement des va-et-vient aussi. Hein, on voyait très bien, moi, dans mes premières enquêtes, c'était combien de fois par an vous rentrez, une fois par an, ou alors 0,5, c'était une fois tous les deux ans. Vous voyez, enfin, j'avais une codification comme ça, 0,3 tous les trois ans. Et on sentait que dans les dernières enquêtes, et quand je suis retourné voir des gens, on faisait les va-et-vient plus rapidement. Ce qui veut dire qu'on dépensait plus d'argent en billets de transport, en billets d'avion. Ce qui veut dire que l'objectif d'aller ramasser un maximum d'argent dans le Golfe pour construire sa vie au Kerala, hein, et que finalement la période migratoire, c'est simplement je vais là-bas, on conçoit son projet migratoire dans son pays d'origine, vous voyez. Mon objectif, c'est de me réaliser dans mon pays d'origine, et j'utilise le Golfe, et donc j'économise un maximum, j'envoie le maximum d'argent, je mets le maximum, le plus possible en épargne, ou pour la famille, ou marier les frères, les sœurs, ou les enfants, enfin bref. Je dépense un peu plus en billets d'avion. Donc il y avait un rapport à la migration et donc à l'utilisation de l'argent différent. Ça, c'est à m'interroger aussi. Et puis 2000, fin des années 90, début 2000, on commence à voir les premiers retours. Hein, des migrants, 25 ans, 30 ans. J'ai interrogé des migrants, ils étaient partis en 63, voyez. Et en les interrogeant, ils bougeaient eux aussi. Ils disaient de temps en temps, une fois tous les deux ans, je retourne, j'y vais. Enfin bref, les liens, voyez. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans le rapport qu'ils avaient avec le pays d'accueil. Bref, tout ça m'a interrogé et voilà, la thématique c'était quelles sont les nouvelles dynamiques migratoires au début des années 2000, renforcées par cette troisième vague migratoire, et essayer de l'articuler avec cette troisième vague migratoire. Donc travail sur les Kéralais dans le Golfe. Alors, la question après c'était ma recherche peut être centrée sur quoi ? Sachant que je ne vous ai pas parlé de tous les profils professionnels des migrants. Il y avait le choix, hein. Est-ce que je travaille sur les cadres ? Est-ce que je travaille sur les employés, petits employés ? Est-ce que je travaille sur les workers, les non-qualifiés ? Et on avait bien évidemment des logiques complètement différentes. Alors, plutôt que de centrer mes recherches ou mes interrogations sur les employés ou les catégories économiquement moyennes à basses, entre guillemets, j'ai préféré me centrer sur les catégories professionnellement aisés ou économiquement et professionnellement aisés, et en particulier les entrepreneurs ou les cadres supérieurs. Pourquoi eux plutôt que les travailleurs non qualifiés, contrairement à l'entrée dans le golf de Tristan par les travailleurs non qualifiés, parce que j'avais le sentiment que c'était... Pour percevoir et chercher à comprendre, décortiquer cet écheveau des changements dans la perception de la migration, dans les projets, dans les stratégies migratoires, ça concernait beaucoup plus, même si c'est une minorité, les catégories aisées, ce rapport au Golfe concernait beaucoup plus les catégories aisées que les travailleurs non qualifiés qui étaient toujours finalement dans le même processus, dans le même rapport au travail dans le Golfe. Les rapports avaient simplement changé, c'était plus dur. On était beaucoup moins sûr de réussir à gagner de l'argent. Voilà, c'est ça les années 2000 pour les workers. Hein. C'est par rapport aux deux premières vagues migratoires. La première vague migratoire, c'est 2 ans de boulot à casser des cailloux, faire des routes ou faire du béton toute la journée, nuit et jour. On a remboursé le coût de la migration. Et encore, dans les années 70, début des années 80, c'est plutôt un an et demi. Et puis après on envoie, on fait 10 ans et on a une belle baraque, vous voyez. Deuxième vague migratoire, on est plus près de 2 à 3, voire 4 ans pour rembourser le coût de la migration. Les envois, les transferts, c'est un peu limité. Et troisième vague migratoire, là, ça coince encore plus, vous voyez. Donc ça, c'est une évolution parmi les workers. Mais pour moi, c'était des évolutions dans le... Comment dire, c'était toujours par rapport au pays d'origine, vous voyez. La logique était la même. Je vais dans le Golfe, je travaille, je rembourse le plus rapidement possible, et puis j'épargne le plus rapidement possible jusqu'à ce que je tienne plus, jusqu'à ce que j'ai plus envie, jusqu'à ce que je sois soit licencié, soit le contrat s'arrête, ou soit que mes enfants arrivent à l'âge d'adolescence, ou que j'ai un pépin dans la famille, ou même que je puisse plus repartir. Et c'est pas des blagues, ça puisse plus repartir. Quand on a 2 mois de vacances tous les 2 ans, on arrive tout guilleré, on est tout heureux de retourner dans ce village. Et puis quand on arrive à 15 jours de la date où il faut repartir, l'employeur a envoyé le contrat et envoyé le ticket d'avion, je peux vous garantir qu'il y en a un grand nombre qui se posent la question de repartir, quoi. Et c'est dur. Vous voyez, pas la première fois, mais la troisième, quatrième fois, c'est des contrats de 2 ans. Vous voyez, au bout de 6 ans, 8 ans, pas évident. Quand on est non qualifié, parce que la vie là-bas est dure. Donc tout ça, ça ne me semblait pas être la catégorie professionnelle ou les catégories de migrants qui, à mon avis, reflétaient les changements dans les dynamiques migratoires. Donc voilà pourquoi... Hein, je me suis centré plutôt sur les catégories aisées qui concernent quoi, à la louche 10-15% maxi. Ça dépend des pays, là aussi. Il y a des différences entre l'Arabie Saoudite et puis Koweït et Émirats Arabes Unis, bien évidemment. Bref, donc je me suis intéressé à des logiques, je lance les mots, hein, vite fait. Je me suis intéressé aux logiques d'ancrage. Hein, aux logiques d'ancrage ou d'installation à plus long terme. Parce que cette migration, et pas que pour les Kéralais d'ailleurs, dans les pays du Golfe, contrairement aux autres grands champs migratoires à l'échelle mondiale, la migration dans le Golfe est vraiment intrinsèquement temporaire, est perçue comme telle, par les pays d'accueil, par les migrants également, temporaires, contractuels. Ça veut dire que vous ne pouvez arriver dans ces États du Golfe arabo-persique que avec un contrat de travail. Et d'ailleurs, dans le langage, visa et contrat de travail se mélangent, hein, puisque c'est le visa, l'obtention du visa et du billet d'avion par conséquence, est soumis à un contrat de travail en bonne et due forme envoyé des pays du Golfe. Donc temporaire, contractuel. Et en plus, l'autre élément dans le Golfe, autre caractéristique, c'est soumise au système de la kafala, comme ça se prononce, K-A-F-A-L-A. Système de la kafala, en anglais on dit sponsorship, en français, parrainage. Hein? Parrainage, quelque chose comme ça, oui. Alors, le système de la kafala, ça veut dire, c'est quoi en deux mots? Tout étranger résidant dans les pays du Golfe arabo-persique ne peuvent pas avoir la nationalité du pays, bien évidemment, mais sont dépendants, hein, juridiquement, ou sont parrainés, sont chapeautés, sont sponsorisés par un national, un local. Un émirati si on est aux Émirats, un saoudien si on est... Voilà. Et tout étranger, mais l'entreprise Total basée à Abu Dhabi, le dirigeant de Total Abu Dhabi a un kafil, hein, et est soumis au système de la kafala. C'est évidemment le prince régnant ou son cousin, enfin c'est la famille régnante, voyez, et on a toute une hiérarchie comme ça qui se fait. D'accord. Et Total à Abu Dhabi a besoin de 3000 employés non qualifiés. Il va les chercher au Sri Lanka, au Bangladesh, ou au Tamil Nadu, ou en Andhra Pradesh. Et là, ces 3000 employés ont un kafil unique, qui est soit le kafil de Total, mais ça peut être également, et c'est tous les enjeux dans le Golfe, hein, de redistribution de la richesse et de l'expression de la citoyenneté finalement, le kafil du PDG Total à Abu Dhabi peut déléguer ou donner le droit d'être kafil pour ses 3000 employés, avec rétribution bien évidemment sur le travail des 3000. D'accord, enfin, ponction. Alors à tous les niveaux, ça se fait comme ça, qu'on soit petit employé dans une entreprise de 2 personnes, qu'on soit chef d'entreprise, c'est la même chose. Enfin, voyez. Donc c'est un système migratoire, enfin un système politique d'immigration bien spécifique qui existe dans le Golfe. Et à cela s'ajoute, je l'ai précisé tout à l'heure, l'impossibilité d'obtenir la nationalité du pays d'État, du pays d'accueil. Et malgré tout ça, malgré ce côté temporaire, contractuel, malgré la kafala, malgré le fait qu'on soit étranger avec l'absence de droit qui en découle, malgré cela, on assiste à des processus d'ancrage, d'installation plus durable, je ne sais pas comment qualifier ça. J'ai noté construction d'une communauté kéralaise stable, j'ai mis entre guillemets, voyez, ancrée dans le paysage économique, social et culturel du pays d'accueil. Alors, l'interrogation, logique diasporique en cours, point d'interrogation, hein, je vous rappelle les trois piliers de la diaspora, intégration sans assimilation, lien cultivé maintenu avec le pays d'origine et lien entre les différentes communautés. Donc là, l'idée, c'était Golfe tremplin migratoire, Golfe un des pôles d'une diaspora naissante ou kéralaise. Alors, qu'est-ce qui m'ont orienté sur ces questionnements? Ce sont quelques caractéristiques de la troisième vague migratoire, hein, qui allait dans ce sens, dans cette interrogation sur ces logiques d'ancrage ou d'installation, enfin ces changements du rapport qu'avaient les Kéralais vis-à-vis de l'émigration dans le Golfe. C'est tout d'abord un positionnement plus favorable sur le marché de l'emploi. La troisième vague migratoire, indéniablement, positionne les Kéralais sur un marché de l'emploi plus favorable. Les deux premières vagues migratoires, globalement, si je fais très simple, sans rentrer dans le détail des profils professionnels, la majorité des Kéralais avaient des emplois à faible qualification, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et surtout des services. Hein. La troisième vague migratoire, on a une élévation générale des niveaux de qualification et donc un accès à des emplois beaucoup plus qualifiés. J'en liste quelques-uns. Responsable administratif, comptable, technicien supérieur, ingénieur, chef d'entreprise, etc. Alors, comment mesurer ça? c'est pas avec les statistiques qui existent dans le golf. Très compliqué d'avoir des statistiques sur ce genre de choses. Et puis s'intéresser aux migrations dans le golf, sujet très sensible, puisque c'est souvent dans les petits états, les petites pétromonarchies le long du golf, la population étrangère est largement majoritaire par rapport à la population totale, donc c'est une question sensible, hein, l'immigration là-bas. Non, c'était à travers les études faites par un centre de recherche au Kerala, le Center for Development Studies, qui produit des données statistiques intéressantes, hein, sur des bases d'enquête de 10 000 foyers enquêtés, etc., et qui produit très régulièrement, toutes les décennies maintenant, voire tous les 4-5 ans, des données statistiques de base, hein, sur les profils, les caractéristiques du migrant. Et donc on a, alors vous voyez, je vais lire mes notes, hein, en 98, donc on est deuxième vague migratoire, en gros 10% des Kéralais émigrés dans le Golfe étaient titulaires d'un diplôme supérieur ou égal au bac. Donc hein, voilà, un post-baccalauréat, et c'était en gros 10% dans l'émigration. 5 ans plus tard, on est à 19,4, c'est-à-dire à 20%. Donc un cinquième des Kéralais dans le Golfe, hein, un cinquième des Kéralais en 2004, 20% ont le bac et plus, voyez. Et parallèlement, les non qualifiés diminuent de plus de 10%. Vous voyez, donc on a un basculement dans cette troisième vague migratoire vers des qualifications plus importantes. Ce qui fait d'ailleurs, je fais une petite digression, cette troisième vague migratoire, donc ce n'est pas, je veux dire, les qualifiés vont aller en plus grand nombre vers le golfe Persique, et puis les non qualifiés n'iront, enfin, il y a de moins en moins de non qualifiés kéralais qui vont dans le golfe parce que, non pas parce qu'il y a moins d'emplois là-bas, mais c'est parce que il y a deux choses. Un, les coûts de la migration sont tellement exorbitants, et les histoires d'échecs ou de retours où on est beaucoup plus endetté qu'au départ, fait que les non qualifiés n'ont plus cette vision du golfe aussi Eldorado que lors des deux premières vagues migratoires. Et puis c'est devenu un peu honteux, hein, d'aller dans le golfe pour aller casser des cailloux. Et puis ce qui explique aussi que les Kéralais sont plus présents plus nombreux avec un bac et plus, c'est parce que les recrutements de main-d'œuvre non qualifiée en Inde, par les pays du Golfe, s'est déplacé géographiquement. Aujourd'hui, pour la troisième vague migratoire, les emplois non qualifiés occupés précédemment par des Kéralais sont occupés par des Tamouls et des Telugus. Donc on a un glissement comme ça qui se fait. Et qui recrute ? Ce sont les Kéralais, les cadres des entreprises, hein, les responsables de chantier. Il leur faut 500 manœuvres dans le bâtiment, vous voyez, ou dans le... Comment on appelle ça ? Tordre les bétons, là, dans l'ossature. C'est une catégorie spéciale de métier. Ceux qui font le béton armé, pas ceux qui coulent le béton, ceux qui font toute l'armature, vous voyez bien, là, ils passent leur journée à faire les machins de ferraille, et puis après, il y a les machines qui font les poteaux, les dalles, etc. Bon, il en a besoin de 500. Il y a une dizaine d'années, ces 500 contrats de travail... Il les aurait envoyés immédiatement au Kerala. D'accord ? Il aurait trouvé largement 500 personnes. Il en aurait fait un petit business, bien évidemment. Il aurait fait une petite marge sur ses contrats. D'accord ? Et maintenant, il les envoie même plus au Kerala. Il dit, j'aurais trop la honte dans mon village d'envoyer 500 contrats de workers dans le bâtiment. Donc, je vais du côté de l'Andhra ou du Tamil Nadu. C'est bien suffisant pour eux. Vous voyez ? Donc on a un glissement comme ça des catégories professionnelles. Avec ce positionnement, enfin ce changement, hein, cette élévation du positionnement professionnel des migrants kéralais, ça va avoir tendance à changer les stratégies migratoires. Et l'objectif tend à être d'améliorer ses conditions de vie dans le pays d'accueil et de penser moins à une vie meilleure au retour. Vous voyez ? Un des reflets de ce changement dans la perception de l'expérience migratoire, hein, c'est l'accroissement des regroupements familiaux. Hein, je vais y revenir. Voilà, bref, donc deux terrains depuis la fin de la thèse, à la fois sur ces hautement qualifiés et entrepreneurs, et puis ces logiques de regroupement familial, tout ça dans cet objectif de nouvelle dynamique migratoire vers des logiques d'ancrage, etc. Hein, donc entrepreneuriat et rapprochement familiaux. Très concrètement, il m'a été donné l'opportunité de faire deux terrains à Dubaï en 2004 et 2005, à 6 mois d'intervalle. Et donc là, je me suis concentré sur les initiatives entrepreneuriales. J'ai cherché les Kéralais, chefs d'entreprise, qui sont peu nombreux. Hein. C'est quelque chose, dernière statistique en 2004, parlait de 4%. Même si c'était un petit peu sans doute minoré, on n'est pas plus de 5-6% de la communauté kéralaise qui est chef d'entreprise. Mais c'est ça qui m'intéressait. Alors j'en ai fait un papier. Aurélie, tu as dû le mettre en ligne là, sur ALSHS. Bon, pour faire simple, j'ai essayé d'établir. Je suis parti avec l'idée que le passage à l'entrepreneuriat, enfin qu'il y avait un passage à l'entrepreneuriat pendant le temps de la migration, c'est-à-dire qu'on arrivait travailleur hautement qualifié ou qualifié, et puis au fil du temps, on devenait chef d'entreprise, soit au sein de sa boîte, quand les Jordaniens en 91 sont partis, ou les Palestiniens, ça a été le cas, soit on créait sa boîte après avoir des compétences acquises, etc. Capital économique, capital social, compétences professionnelles, blablabla. Donc je pensais qu'il n'y avait que ce genre de profil. Et puis finalement, au bout de une vingtaine d'entretiens, longs, hein, c'était vraiment du qualitatif. Et puis quelques personnes clés que j'ai eu la chance de croiser et avec lesquelles je discute longuement. Je me suis rendu compte que c'était pas ce processus, c'était pas... Cet entrepreneuriat ne découlait pas forcément pour tout le monde d'un processus de passage du salariat à l'entrepreneuriat. Donc j'en ai établi une typologie sommaire, une espèce de premier jet qui renforçait aussi cette idée de nouvelle dynamique migratoire. Alors pour faire simple, cette typologie, il y en a trois. Hein. Il y a mon hypothèse de départ, c'est-à-dire des employés qui, après le temps long de la migration, hein, 10 ans, 15 ans, 20 ans, passer du salariat à l'entrepreneuriat grâce à des opportunités diverses, des compétences professionnelles. J'ai remarqué aussi que ça avait énormément de lien avec la relation avec le CAFIL. Hein, les migrants de la première vague migratoire, voire de la deuxième, mais plutôt de la première, avaient des rapports cordiaux, voire même affectifs des fois avec leur CAFIL. Et en particulier à partir de 91, quand toute une partie des Arabes sont partis, ont été expulsés, il y a eu, c'était eux qui étaient dans les secteurs clés, qui étaient petits chefs d'entreprise, restaurants, boîtes de soudure, boîtes de transport, boîtes de plasturgie, industrie agroalimentaire, petite industrie agroalimentaire de conditionnement de tel ou tel produit. Bref, vous voyez, c'était des Jordaniens, c'était des Palestiniens. Et donc, quand ils ont été expulsés, il y a eu des opportunités. Et les Kéralais, qui étaient souvent des qualifiés ou qui avaient gravi tous les échelons, il y en a aussi qui partaient de rien et qui, de 74 à 93-94, vous voyez, avaient gravi tous les échelons et tous les postes clés de l'entreprise, l'entreprise de 50 ou 100 salariés, et donc ils se retrouvaient PDG, entre guillemets, alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur les combines pour devenir chef d'entreprise, c'est des associations, et puis le rapport au droit, puisqu'on est étranger, donc on ne peut pas posséder son entreprise en propre. Donc il faut toujours associer avec un CAFIL. Et il y avait une espèce de confiance qui était faite, une relation de confiance avec le CAFIL. Donc voilà, tout ça c'était une première catégorie, donc un véritable processus lié au temps long de la migration. À ma grande surprise, et en même temps ça confortait cette idée de changement de perception de la migration, il y avait une autre catégorie d'entrepreneurs, petits mais pas forcément petits, certains avaient gravi en l'espace de quelques années... poussés comme des champignons, hein, leur taille de leur entreprise. Certains étaient arrivés pendant la deuxième vague migratoire, au début des années 90, avec comme objectif de monter leur boîte. Ça pouvait passer par quelques mois, maximum quelques années de salariat, mais l'objectif était véritablement de monter son entreprise, d'être indépendant et de faire un business. Dubaï, là où tout est possible. D'accord. Alors après, on peut décliner à l'intérieur de cette catégorie ceux qui arrivaient avec un capital déjà, financier, parce qu'ils venaient eux-mêmes d'une culture entrepreneuriale au Kerala. Ceux qui arrivaient avec un capital très limité, mais qui avaient un capital financier, mais un capital social, voyez, ou des compétences importantes et qui se démarraient. Je pense à, par exemple à Fakir. Fakir, il n'avait aucune compétence dans rien, il n'avait pas beaucoup de sous, mais il s'est dit il y a un plan à faire sur les antiques, les antiquités, là, les objets souvenirs, vous voyez, le petit chameau machin, la pyramide bidule, la neige, voyez, bref, et tous ces machins-là, fabriqués en Thaïlande, etc. Et enfin, j'ai tout son parcours en l'espace de quoi ? Entre 1994 et 2002 ou 2003, enfin, moi j'ai interrogé en 2004. Il était passé de tout seul à 150 salariés, 3 warehouses dans la zone sud, 3 entrepôts. Il avait 3 ou 4 magasins à Doha, etc. Et il était arrivé avec rien. D'accord ? Il avait simplement récupéré des invendus à l'issue d'un festival marchand dans un... Vous savez, cet hôtel à Dubaï là, qui ressemble à une voile. Vous avez des riches occidentaux qui arrivent puis qui achètent un petit souvenir. Et il avait récupéré 3 caisses d'invendus, de petites poteries de machin, un petit chameau bidule. Et bien évidemment, il a fait du x30. Et il a dit, j'ai de la chance, ce jour-là, c'était bourré d'Allemands. Les Allemands, ils négocient pas les prix. Donc je leur annonçais un prix. Voilà. Et à partir de là, il a loué une arrière-boutique. Et puis il a stocké, il a cherché les invendus des autres, enfin, etc. Et puis très rapidement, comme ça, il a monté son premier magasin en association avec un Jordanien qui lui était resté là, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de lui demander. Et très rapidement, il s'est affranchi, et puis ça a explosé, quoi. Vous voyez ? Et puis maintenant, il fait venir des containers de Vietnam, de Thaïlande, de tous les trucs qu'on trouve partout. Dans les, voilà. Et son objectif, c'était d'emblée de démarrer un business. Un autre, c'était dans le conditionnement du poisson. Là aussi, ascension fulgurante, mais lui, il avait des compétences, il venait d'une famille au Kerala, qui était déjà dans l'industrie agroalimentaire de conditionnement du poisson. Fish food, là, comment on dit, seafood factory. Lui, il avait des compétences, mais il n'avait pas beaucoup de fric. Voilà, donc même chose, quelques mois associés, on part associé, et rapidement on s'affranchit, et puis on a 5 ou 6 boîtes, et maintenant on a même des usines de conditionnement de langoustes qui vont jusqu'au Mozambique. Voilà, en l'espace de 10 ans, même pas 10 ans. Et on sillonne tout l'océan Indien et on installe des avions frigos, ouais, des containers frigos, enfin tout ça. C'est des explosions pas possibles. Donc voilà cette deuxième catégorie, arriver dans le Golfe pour monter son entreprise, un espace de réalisation. Alors ça m'interrogeait par rapport au blocage du Kerala, bien évidemment. Et c'est des questions dont il faudra creuser encore. Et puis la troisième catégorie, j'étais assez surpris aussi, la troisième catégorie, eh bien, pas mal d'entreprises qui nécessitent un petit capital mais financier, mais pas de compétences particulières. Vous voyez, on n'a pas dans la profession, c'est type cafétéria, magasin de fringues, restaurant, boutique, téléphone, et puis boui-boui, là, vous voyez, des choses comme ça. À ma grande surprise, eh bien, ces entreprises-là étaient, ou ces entrepreneurs, étaient souvent associés, d'ailleurs, en 2, 3, 4, et c'était des anciens fonctionnaires kéralais qui avaient été limogés à la suite d'une politique de... Bon, pour ceux qui bossent sur le Golfe, c'est connu, la politique d'émiratisation aux Émirats, d'omanisation à Oman, de qatarisation, enfin voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on remplace les postes importants. Surtout, on remplace les postes occupés par les étrangers par des nationaux. Voilà, parce que on a une population jeune locale qui arrive et qui est inemployée, puis qui vit de la rente pétrolière ou de la rente migratoire par le statut de kafil. Ils se servent allègrement dans la caisse, d'ailleurs, pour certains. J'ai souvent été présent au moment où où le fils du Cafil avait besoin de $500, ouais, pas de souci. Qui déboule et puis tire le tiroir, il y a toujours des billets là. Et le chef d'entreprise des Kiralais, il me dit, j'ai toujours un petit matelas parce que le fils du Cafil est très gourmand. Le Cafil, c'est un ami, c'est un vieux Dubaïote tranquille, capable, mais le fils, il roule sur l'or, enfin, il a besoin. Donc il faut toujours que je garde, sinon j'aurai des embrouilles parce que c'est mon futur Cafil. On va revenir là-dessus. Voilà, donc plein de fonctionnaires qui avaient été limogés. Comme ils étaient fonctionnaires, donc employés par le gouvernement émirati, ils avaient droit à une prime de licenciement, ou une espèce de prime de licenciement. Et avec cette prime, comme ils étaient installés, souvent, j'allais dire, hauts fonctionnaires, hein, avec leur famille, eh bien l'idée, c'était de se regrouper à deux ou trois, et avec ce petit capital issu du limogeage, c'est de monter un resto, monter une cafétéria, monter une petite boutique, etc., hein, et de devenir chef d'entreprise, avec un partage des bénéfices à trois. Si on est à trois dans l'affaire, on coupe l'année en trois, et donc je suis 4 mois patron de la cafétéria, et puis les 8 mois suivants, je rentre au Kerala, où, vous voyez, et puis c'est l'autre qui fait ses bénéfices pendant 4 mois, etc. Et ce type d'entreprise-là, est, enfin, c'est ce bourgeonnement des entreprises, ces entreprises, ça a suscité en partie cette troisième vague migratoire. Parce que si je veux faire un maximum de fric à partir d'une cafétéria et qu'on doit partager à trois, il me faut une main-d'œuvre corvéable, vous voyez. Et je vais recruter de manière privilégiée, et non qualifiée évidemment, privilégiée dans mes villages. Et là, il n'y a pas de honte, hein, c'est pas comme le cas précédent, il n'y a pas de honte, on va proposer des contrats de travail pour être plongeur, pour être serveur dans ces cafétérias, restaurants et autres magasins de fringues, etc. Et on les exploite à fond. Donc ce sont des Kiralais qui exploitent les Kiralais à fond. Et nombreux témoignages de Kiralais en disant mon patron, mes trois patrons Kiralais, j'ai aucun... Même la législation émirati, il y a une journée de congé, pas plus de 10 heures, 8 heures, etc. Je fais 12, j'en fais 15. Vous voyez, je dors dans l'arrière-cuisine sur une paillasse. Enfin, vous voyez, on est dans des logiques comme ça. Voilà, en gros, c'était les trois catégories à l'issue de ces deux premiers terrains. 2007, nouveau terrain, cette fois-ci dans plusieurs cités-états. J'ai un petit quart d'heure encore ? Un petit quart d'heure. Exactement. Oui, ouais, ça va aller, ça colle alors. Oui, je vois ça, oui, j'ai un petit quart d'heure, pas de problème. 2007, nouveau terrain dans plusieurs cités-états des Émirats Arabes Unis. Et là, je me suis consacré à essayer de réfléchir un peu sur tout ce qui était réunification familiale, toujours dans ces logiques d'ancrage. Et bien évidemment, qui dit réunification familiale dit automatiquement catégorie professionnelle relativement aisée pour pouvoir faire venir sa femme et vivre en famille dans ces pays. Alors pourquoi regroupement familial ? Parce que la caractéristique de l'émigration des Kéralais, des Indiens en général d'ailleurs dans le Golfe, c'est qu'il y a une surmasculinité dans la migration. D'accord ? C'est les Philippines et le Sri Lanka qui on a des migrations féminines de travail, mais pour le Kerala et pour l'Inde en général, et le Pakistan, c'est une immigration masculine. Alors, ce regroupement familial, ou cette réunification familiale, était intéressante. Alors là encore, bon, je vais peut-être passer les chiffres, là encore, pour essayer d'avoir des éléments de mesure statistiques, c'était pas bien évidemment dans le Golfe que je pouvais avoir ça. C'est à travers les études faites au Kerala où le pourcentage de femmes s'est fortement accru entre la deuxième vague et la troisième vague migratoire. D'accord. Là encore, ça a presque doublé de 9 à 17% entre 1998 et 2003. Donc on a un doublement du nombre de femmes, du nombre de Kéralaises vivant dans le Golfe. Je suis parti du principe, mais les choses sont en train de changer, je suis parti du principe que ces femmes, on ne migrait pas toutes seules ou non mariées, donc ce doublement de la migration féminine, hein, ou du pourcentage de femmes kéralaises dans le Golfe, correspondait essentiellement à des femmes mariées qui rejoignaient leur mari. C'est pas... Marie Perko et Sri Lanka ont montré qu'il n'y avait pas que ça, il pouvait y avoir des migrations de célibataires, hein, et même ça se développe. Mais voilà, il me fallait une espèce de mesure pour essayer de quantifier, pour essayer de percevoir l'accroissement des réunifications familiales. les témoignages sur place, hein, des acteurs clés des associations de migrants kéralais, le disaient très nettement. L'autre indicateur que j'ai utilisé, c'est les écoles indiennes dans les différentes villes. Ça, c'était excellent. Ça marche bien. C'est par les enfants qu'on avait l'information. Là encore, il y a des caractéristiques qui nous permettent d'utiliser cet élément de mesure. Les écoles indiennes, et puis dans les écoles indiennes, vous avez différents cursus. Vous avez le cursus indien, mais vous avez aussi des écoles qui vous proposent des cursus kéralais. Vous voyez qu'on a dans l'État fédéral, donc on a le cursus, deux grands cursus qui permettent de, voilà, CBSE, IC, je sais pas quoi, et puis vous avez Kerala Syllabus. En soi, le Kerala Syllabus, quand on est kéralais aisé à Dubaï, on devrait s'en foutre au niveau de la stratégie d'éducation, sauf qu'il y a des ressorts culturels ou d'identité qui... Donc on met son enfant. Donc par l'intermédiaire du nombre d'enfants en Kerala Syllabus dans les différents émirats, on voyait très nettement un accroissement. Et c'est tout le papier qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, sur le Maghreb Mashrek, là aussi tu l'as mis en ligne. Enfin, les stratégies de réunification familiale. Voilà. Alors dans ce papier à partir de cette recherche, quelques éléments de réflexion. Tout cet ensemble de choses, et en particulier la réunification familiale, correspond vraiment à un changement du rapport à la migration. Et notamment, j'ai intitulé ça en sous-titre, un désir de mieux vivre le temps de sa migration. Et ça apparaissait très, très nettement dans les témoignages. Mieux vivre sa migration de la part du migrant, donc on fait venir sa famille, parce qu'on a les moyens également, mais également parce que... là-dedans, je m'embarque. Il y a eu des changements sociaux aussi au Kerala. Les femmes de migrants acceptent, et de migrants qualifiés, acceptent beaucoup moins que précédemment de rester toutes seules au Kerala et avoir leur mari revenir tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les ans. Hein. L'autre raison aussi, c'est que... Il y a aussi la qualification, le niveau moyen de qualification des femmes au Kerala s'est fortement accru. Hein, améliorer. Et donc, il y a aussi des opportunités de boulot dans le Golfe. Oui. Voilà, bon. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le papier là-dessus. Voilà, les jeunes femmes mariées sont donc plus nombreuses à vouloir vivre avec leur mari dans le Golfe. Et cela d'autant plus que les opportunités d'emploi s'ouvrent. Et qu'un double salaire aussi est bien souvent nécessaire. Voilà. Dernier facteur également, et qui pèse, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, c'est l'accroissement du nombre de lignes aériennes et la diminution des coûts de transport. Sur 550 km de long, on a 3 aéroports internationaux. Si vous regardez les aéroports internationaux en Inde, vous verrez 3 points comme ça sur la côte du Kerala. Et si vous regardez les lignes à destination du Golfe, vous aurez carrément... Vous ne pourrez pas les distinguer tellement il y en a, si vous prenez toutes les compagnies. Donc dans chacun de ces 3 aéroports, on a 1, 2, voire 3 avions par jour qui desservent une des villes du Golfe, ou 2 ou 3. D'accord. Les compagnies, toutes les compagnies du Golfe font des stop-overs ou des terminus, hein, à Trivandrum, à Cochin ou à Calcutta. Donc, et les coûts ont énormément baissé. Et donc cette facilité de transport a aussi également facilité la réunification familiale. Voilà. C'est logique d'ancrage à travers les 2 exemples, hein, que dont je viens de parler, entrepreneuriat et réunification familiale, s'inscrivent bien évidemment, certes, un changement de la perception de la migration, mais, comme je vous ai dit précédemment, dans un changement des politiques d'immigration, une évolution des politiques d'immigration des pays d'accueil, à différents degrés suivant les États du Golfe. Hein, donc les politiques migratoires des États-Unis, contrôle et sélectivité des flux migratoires. Il y a vraiment... Pardon ? Émirats. Je viens de dire les politiques migratoires des États-Unis. Ah, pardon, Émirats Arabes Unis, excusez-moi. Cité migratoire des Émirats Arabes Unis, excusez-moi. Bon, comment dire ça en quelques lignes Il y a eu toute une série, depuis les années 90, il y a une série de mesures législatives qui favorisent l'entrepreneuriat chez les étrangers et qui, j'oserais peut-être pas dire favorisent, mais ouvrent les possibilités ou accroissent les possibilités de réunification familiale. Avec un contrôle très strict. Enfin, vous voyez, il y a une sélectivité, il y a une ouverture. On ouvre tout en contrôlant, bien évidemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les mesures législatives. Concernant la qualification des travailleurs immigrés, et les Kéralais sont engouffrés dans ces lois, ou ont été favorisés, l'objectif est de mieux réguler et de contrôler les flux migratoires, en particulier des non qualifiés. Donc, en 2001... le migrant a eu le droit de changer de sponsor, de changer de kafil. Avant, il était coincé. Le contrat de travail était lié nominativement à un individu, émirati ou koweïti. Donc en 2001, il y a une loi, alors restrictive, là, ouverture, vous voyez, mais restriction à certaines catégories professionnelles, bien évidemment. Donc possibilité de changer de sponsor pour certaines catégories de travailleurs étrangers, éligibilité au changement de sponsor est liée au diplôme. Voilà, avec sélectivité du diplôme. 2003, ça a beaucoup favorisé les Kéralais, et ça a fait rentrer les Télougous. Bon, voilà. 2003, instauration d'un diplôme minimum pour pouvoir émigrer aux Émirats Arabes Unis. Le BEPC, voilà, SSLC. Alors, ça ouvre... Pour tout le monde. Pour tout le monde, pour l'Inde. Alors, je ne sais pas si c'est pour le Sri Lanka ou pour autre. Alors, je sais que ça crée, en Andhra et au Tamil Nadu... un sacré business de diplôme. Mais au Kerala, la norme, déjà dans les années 2000, la norme de base, c'est le bac. Donc le SSLC, c'était dans les années 90. Donc il n'y a pas de magouille sur les diplômes BEPC au Kerala, mais ailleurs peut-être, parce que ça a ralenti les migrations non qualifiées, Telugu et Tamil. Concernant le business, 91, vous voyez, plutôt là, possibilité pour les immigrés de changer de sponsor s'ils se lancent dans la création d'une entreprise. Donc on peut choisir son sponsor si on démarre une entreprise, ce qui n'était pas négligeable. Et on peut monter son entreprise avec un émirati autre que son sponsor initial. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais... Et fin des années 90, début des années 2000, on a toute une série de mesures. Octroi de la délégation de sponsorship, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise kéralais peut devenir sponsor de ses propres employés. Peut devenir kafil de ses propres employés. Pour certaines entreprises, ouverture, restriction. Vous voyez, là, avec des stratégies, si on veut développer le secteur de la plasturgie, vous voyez, ou le secteur 2, les services en particulier, la knowledge economy et compagnie. Voilà. En corollaire, apparition de free visa. C'est-à-dire, ça, c'est tout début des années 2000, ça a fait un pataquès au Kerala. C'est-à-dire des visas non liés au contrat d'embauche. Vous pouvez débouler aux Émirats Arabes Unis. Et vous avez 3 mois, un visa de 3 mois de résidence, et vous vous débrouillez en 3 mois pour chercher du boulot. Les Kéralais sont tellement nombreux que vous arrivez à trouver du boulot. Donc ça a été une sacrée ouverture, et ça a réduit un petit peu le business des contrats de travail, et ça a ralenti un peu le coût de la migration. Et puis dernière mesure, c'est l'ouverture de free zones, comment on dit en français, de zones franches, où là, carrément, si vous avez votre entreprise sur les zones franches, vous n'avez pas besoin de sponsor. Vous traitez directement avec l'État pour l'entrepreneuriat. Pour le rapprochement familial, c'est des histoires d'argent. Je vous renvoie à l'article. Il faut justifier d'un revenu mensuel égal ou supérieur à 4 000 dirhams, c'est en gros 700 euros, et 3 000 dirhams si vous avez le logement qui est payé par l'employeur. Voilà, ouverture, on fixe la barre assez basse. Mais... pour certaines catégories de population. Si vous êtes chauffeur de taxi, en vous débrouillant bien, vous gagnez 4000 dirhams, vous pouvez toujours vous accrocher pour faire venir votre femme et vos enfants. Parce que chauffeur, ça ne marche pas. Donc vous voyez, ce ne sont que des logiques comme ça. Possible pour le migrant lui-même d'être sponsor de sa femme, de kafil. Donc vous voyez l'ouverture là aussi. Sur le migrant, là encore pour certaines catégories, peut faire venir sa femme, mais il n'y a plus le casse-tête de chercher l'émirati qui va devenir le kafil. Je me déclare sponsor de ma femme et de mes enfants. Mes enfants jusqu'à 18 ans. voyez, donc des logiques d'ouverture. Bref, l'objectif là-dedans, c'est de garder les travailleurs qualifiés. Tout le développement des Émirats Arabes Unis, mais pas que des Émirats Arabes Unis. Hein, l'objectif, c'est de garder une main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre non qualifiée, on s'en fout. On trouvera toujours des Asiatiques, d'où qu'ils viennent, hein, pour venir bosser. On trouvera toujours des sous-esclaves, voyez, ou des gens comme ça. L'objectif, c'est... Et puis, plus, en plus, avec la knowledge economy, avec l'affirmation en particulier de Dubaï, hein, comme le lieu éducatif, enfin, voilà, tout le business autour de l'éducation, de la santé, etc. Il faut garder les travailleurs qualifiés. Voilà, j'en ai terminé. Conclusion, piste de recherche, point d'interrogation, perspective, point d'interrogation. Ouais, ça. C'est ça. Alors, je vais pas être long, il me reste 3 minutes. Bonjour. Bon, nouveau terrain en janvier, là, début janvier 2010. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Je n'ai pas encore réfléchi très précisément, hein, je n'ai pas encore construit mon terrain avant de partir, il faut que je m'occupe de ça là, prochainement. Mais globalement, voilà, j'ai des envies et des idées. Première chose qui me turlupine, c'est les mariages mixtes. Mon dernier terrain en 2007, mes indicateurs, n'est-ce pas, m'ont assuré qu'ils pouvaient me présenter au moins 10 couples kéralais philippins, kéralais indonésiens, mariés. Je dis, mais attendez, vivent ensemble, etc. Mariés. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas. Voilà. Donc, je veux déjà poser la question. Il se trouve que quelqu'un qui bosse sur les Philippines m'a contacté il y a un mois ou deux, qui vit à Dubaï, un Français, un historien du temps présent et qui se dirige vers l'émigration de Philippines-Dubaï, qui bosse à Dubaï. Il est tombé sur moi par hasard dans un de mes papiers et je lui ai soumis la question. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et il m'a dit, ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a moyen de trouver ces mariages interethniques. Donc voilà, donc ça m'intéresserait parce que toujours dans ces logiques de changement de rapport à la migration et voire au pays même, ça m'intéresse. Parce que bon, l'endogamisme, c'est une base quand même, d'un chien de l'Inde, donc qu'est-ce que c'est que ce bazar? Même ces Kéralais qui ne sont pas aux États-Unis ou en Angleterre commenceraient à avoir envie de faire pareil, il ne faut quand même pas exagérer. Ils sont dravidiens, ils sont au Golfe au lieu d'être dans le Nord. Alors. Voilà, donc ça m'intéresse. La crise de 2008, bien évidemment, j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Qu'en est-il? J'aimerais faire autre chose que lire les dépêches news sur Internet et aller carrément revoir mes chefs d'entreprise et voir un petit peu les dynamiques entrepreneuriales et puis les rapprochements familiaux aussi. S'il y a moins d'argent, ben on renvoie la femme et les enfants en Inde. D'accord, donc 2008, voilà. Est-ce que c'est dans mes deux thématiques là? Est-ce que 2008 est pertinent ou pas? Autre chose qui me turlupine aussi, là depuis 2004, on a maintenant une deuxième génération de chefs d'entreprise qui arrivent aux commandes. Dans ma typologie, c'était la première catégorie où les mecs ils arrivent à la retraite et ils passent le flambeau. Les jeunes ont fait leurs études, MBA et autres, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et arrivent aux commandes de l'entreprise, et quand on les interroge, en tout cas pour Dubaï, Sharjah, Ajman, cette conurbation, il y a un sentiment d'appartenance aux Émirats Arabes Unis très fort chez ces jeunes chefs d'entreprise, cette deuxième génération, voire troisième. Parce que l'affirmation de l'identité dubaïote passe par l'entrepreneuriat. Et comme s'il y avait quelque part un sentiment d'appartenir, non pas d'avoir la nationalité dubaïote, mais d'appartenir à un groupe, les entrepreneurs, qui est totalement respecté et valorisé dans la sphère Dubaï-Sharjah-Ajman. Ça n'a rien à voir à Abu Dhabi. Hein. Abu Dhabi, c'est la sphère du pouvoir politique, ça ne marche pas du tout pareil. Mais les secondes générations qui sont nées à Dubaï ou à Sharjah, qui prennent les commandes, ils se sentent chez eux. Et donc je veux interroger, j'en ai 4 à qui je suis en contact et je veux les interroger là-dessus et en particulier voir si ce sentiment d'appartenance se traduit par plus d'échanges avec les Émiratis, ce que n'avait pas leur père à l'exception du Kafil qui, voilà. Voilà, et puis c'est en gros les 3 choses. Après j'ai noté quelques bricoles mais ça je sais pas comment encore les articuler ou ça. Golf tremplin migratoire, à voir. Le rôle des associations de migrants également. Alors, j'aime pas trop, j'ai pas eu d'approche, même si j'ai présenté les différentes confessions, la carte est encore là. J'ai pas envie de travailler sur les identités religieuses, les trois identités religieuses des Kéralais, etc. Avec, cela dit, il va falloir peut-être de gré ou de force que je m'y penche parce que les associations, très nombreuses, les associations des Kéralais dans le Golfe, dans les Émirats, aux Émirats Arabes Unis, sont clivées politiquement. Alors ça, c'est le premier clivage, c'est clair. Mais sont clivées aussi en termes de communauté. Alors, je ne sais pas quels sont ces clivages. Il y a des associations Muslim, Kerala Muslim Association. Il y en a qui l'affichent, d'autres qui l'affichent moins. Je ne suis pas convaincu que dans la Kerala Muslim Association, il n'y ait pas des hindous et des chrétiens. Vous voyez ? Alors, peut-être pas en tant que membre affiché, mais ce sont des organes de lobbying, vous voyez, ou de soutien à la communauté kéralaise, mais de lobbying également, enfin, vous voyez, par rapport à l'Inde, hein, par rapport aux autres Indiens, et par rapport aux Émiratis. Donc, je ne suis pas sûr que même l'affichage de Kerala Muslim Association ne regroupe que des musulmans. Enfin, bref, je veux interroger cette question, parce qu'on est vraiment dans une société très séculaire au Kerala, hein, très laïque, où les tensions, où jusqu'en 2003, quand il y avait un massacre, quand il y avait quelqu'un de poignardé à un arrêt de bus, un hindou avait poignardé un musulman, c'était pas un hindou qui avait poignardé un musulman, c'était un communiste qui avait poignardé un non-communiste, ou vice-versa. Vous voyez, c'était l'identité politique qui créait les petits coups de poignard de temps en temps. Et c'est vrai que depuis 2003, petit village du nord du Malabar, là, il y a eu des massacres, vraiment, enfin des massacres, il y a eu des tensions. C'est pas une massacre. Bref, donc cette société très laïque, où on s'affirme vraiment comme Kéralais et après on est musulman, hindou, chrétien, je veux voir ce qui se passe dans le Golfe. Voilà, j'en ai fini. Merci.